بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية تمدمجين أه. أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع أثارهم واكتفى. اليوم سنتحدث عن question 17 où on avait fait, il restait le i'rab à faire, plus le vocabulaire. Vas-y, première phrase. La première phrase, c'est le i'rab. Li akhun wahidun ismuhu Usama. C'est moi qui fais le truc. Moi, ce que j'ai compris, déjà, c'est une jumla ismiya. Al-mubtada. Al-mubtada, je marque, c'est li. Al-khabar. C'est Akhun Wahidun. Et Ismuhu Usama, j'ai marqué c'est un bedel. Le vrai. Tu vas gratter. Il a dit li, Mubtada. Wahidun, Ismuhu Akhun Wahidun. Khabar. Il a dit c'est un khabar. Ismuhu Usama, bedel. Moi j'ai dit li, Mubtada, Akhun. السلام عليكم حضرة. واحد في النعل اسمه أسامة مثل السندوزيم فاز. اسمه مبتدا أسامة في الخبر. أعتقد الصواب سيكون سلي سي الخبر كمقدم. كما نبدين لسك الحرف جار. الحرف جار تمام. لي لا سلمك لي الحرف جار. لسك ليه؟ il est précédé il débute une phrase ils ont une phrase nominale. Généralement, tu vas voir que sa place, ça va être quoi un khabar. Le mubtada qui va venir après, ça sera indéfini. Akhun wahidun. Akhun, mubtada wahidun, na'at. T'as vu ? Li, c'est un khabar. Akhun mubtada. Non. Li, khabar. Khabar. Wa akhun wahidun, mubtada. Mubtada. Wa wahidun, na'at. Et ce qui est après, ismuhu, Usama. Ça, c'est avec ça, c'est une jumla, fait une jumla. Donc, ismuhu, mubtada. Et Usama, khabar. Li, akhun, wahidun, ismuhu, Usama. Li, c'est quoi? C'est le khabar. Akhun, wahidun, c'est le mubtada. Akhun, wahidun, c'est le mubtada. Li, akhun, wahidun, ismuhu, Usama. Li, khabar. Et toute la phrase après, c'est quoi? C'est le mubtada. Ensuite, tu peux décortiquer, kadalika. Tamam? Akhun, wahidun, tamam? Mubtada. اسمه أسامة خبر اسمه كذلك إلى مبتدا خبر تفهم compris زيك شو مبتدا comment après reconnaître qu'il y a une deuxième phrase dans la phrase sachant que parce que une phrase c'est quoi la phrase quand on parle d'une phrase c'est quoi la phrase qui est la jumla al mufida si je te dis اسمه أسامة en arabe c'est pas point virgule machin اسمه أسامة c'est une phrase c'est mufida tamam si je te dis li akhun. C'est une jumla. Dans cette phrase-là, il y a plusieurs phrases. Pardon ? La deuxième phrase, tu feras l'arabe. Vas-y, c'est bon. Ana dhahabtu ila al-mustashfa. Donc, moi j'ai mis. Jumla tu ismi. Ana, c'est une jumla toute seule. Non, Ana, c'est pas une jumla. Si tu dis Ana. Jumla fi'liya. Ana. Ana, c'est un rajout. Non, c'est un premier. Mais c'est quoi c'est, là, c'est une jumla qui est semée ou fi'liya? Fi'liya, j'ai dit. Fi'liya. Et toi, tu dis quoi? Normalement, elle est fi'liya. Pourquoi? Parce qu'il y a un verbe. Dhabtu. Non. La phrase, si elle commence par un ism, c'est pas un peu en vieux ou pas. La phrase, si elle commence par un ism, c'est une jumla ismiya. Si elle commence par un verbe, c'est une jumla fi'liya. Même si jamais il y a un verbe, là, justement, il y a jumla. Si jamais il y a 10 verbes. Tu regardes comment elle commence la phrase. Elle commence par quoi? Ana. Ana, c'est quoi? Damir. Ou Damir, mais là, isma. Voilà, c'est une jumla ismiya. Même s'il y a 20 000 verbes derrière. D'accord. Faut pas se parler par rapport à ça. Faut pas regarder le sens de la phrase. Allez. Faut regarder par quoi ça commence. Bref, dhabtu. Donc, Ana, c'est quoi? Ana, bah, du coup, c'est Mubtada. Mubtada. Mubtada. Et Baden? Dhabtu il al-mustashfa. Ça, c'est? Donc, dhabtu il al-mustashfa, qui est le khabar, mokallah. Dhabtu il al-mustashfa, qui est le khabar. En lui-même, ce khabar là c'est une phrase. Parce que si on te dit dhahabtu ila al-mustashfa, c'est mon fils. Donc c'est quoi la phrase dedans? C'est une fi'liya. C'est une phrase fi'liya. Dhahabtu. Dhahabtu fi'l mudari. Là, كيف? Hein? Dhahabtu. Pas comme ça. Non, fi'l madi. Non, oui. Ah, vas-y, j'ai plus j'ai une marde. Tu veux que tu aies une phrase comment? Mabni ala al-sukun. و تو ضمير متصل وهو فاعل الى الى حرف الجر المستشفى اسم مجرور بالحرف Mais ça commence par un prononce, c'est une fi'liya quand même. Non. Parce qu'un prononce, c'est pas un verbe. Ça commence par un verbe. Là, bout. Une phrase verbe, c'est celle qui commence par un verbe. Phrase nominale, c'est celle qui commence par un verbe. Même s'il y a mis dans la phrase nominale, tu vas trouver des verbes. Ana, dhahabtu. Il y a deux phrases à avoir dedans. Ouais. Ana, dhahabtu ila al-mustashfa, ça c'est une phrase. Et dhahabtu ila al-mustashfa, c'est une phrase en nominale. Là, lorsque tu dis. C'est quoi le type de phrase? C'est une phrase nominale. Pourquoi? Parce qu'elle commence par Ana et c'est Ana. Tout, c'est un Damir et Damir, ça fait partie des Asmat. La troisième? La troisième arabe? J'ai marqué une phrase en arabe et un ensemble de mots qui a un sens. C'est bon? Une phrase. Hein. Ah, c'est bon. Al-jumla, là. Al-jumla al-mufida. Parce qu'il y a des jumal qui ne sont pas mufida. Une phrase, comment on dit mufida? Mufida. Une phrase qui a un sens. Une phrase complète. Complète. Hein? Parce qu'il y a des phrases qui ne sont pas complètes. Elle interrompt tout, c'est une phrase. T'inquiète pas. La troisième, c'était Masmouka ya akhi. Allez, Farid. Masmouka ya akhi. Masmouka, c'est le khabar. Lequel qui est le khabar? Masmouka. Là. Hein? C'est pas Masmouka. C'est le ma. Le ma. Ma. Ma. le khabar, c'est. Donc le Moubtaya, c'est comment ça s'appelle? Ya Akhi. Non. L'information tourne autour de quoi? De Ya Akhi ou bien de son nom? Tu veux savoir si c'est un frère ou si tu veux savoir son nom? Masmouka, Ya Akhi. Donc le Moubtaya, c'est le khabar. Le Moubtaya, c'est le. Non, c'est pas. Ismouk, tamam? Et il est Moudaf. Ismou, Moudaf. Ou Al-Kaf, Moudaf, Nidé. Ou Al-Ya, Harfounida. Ou Al-Ladi Barda? Munada. C'est celui qui a appelé. On ne peut pas dire ça. La dernière phrase. A antum fil madrasati bit thanawiyatul qurtuba. Al-thanawiyati qurtuba. Donc déjà, bismillah. Déjà, le harf A, on a dit, ils n'ont pas de tréquin dans la phrase. Ah ouais. Ils n'ont pas de place. Sifam, ma halalaha. Bah, antum, antum, j'ai marqué c'est le mubtada. Fil madrasati. En fait, j'ai répondu à la question. Antum. Fil madrasati, c'est le khabar. Bas. Mais c'est, en même temps, il y a. Comment on dit? Le mubtada, c'est antum, comme tu as dit. Le khabar, c'est tout ce qui va suivre. Après, des cartiques. D'accord, ok. Antum harf nida, harf istifham. Il n'a pas de place dans l'arabe. Antum mubtada. Fil madrasati athanawiyati ash. Al-Qurtuba. Kullu hada fil khabar. Tamam. Tout Tout ça, c'est le khabar. Mais après, dans le khabar, il y a une phrase. Là, il y a une phrase. Al-madrasa thanawiya al-Qurtuba, ça fait une phrase, non? Al-madrasa thanawiya al-Qurtuba, c'est l'école, non, c'est pas une phrase. Bon, khalas. Mais laquelle, c'est quoi le madrasa et c'est quoi le Qurtuba? Madrasa Qurtuba, moi je dis que c'est un bedel. Déjà, c'est quoi le madrasa? Madrasa. Al-madrasa, moi je dis que c'est un. Ou plutôt, c'est quoi? Thanawiya. C'est quoi Thanawiya? Faut répondre plutôt. Thanawiya, afin de c'est moi qui. Tu penses mal? Thanawiya. Thanawiya. C'est moi qui me pense. Attends, il va faire, ma soeur. Thanawiya, c'est quoi? Thanawiya. Que tu sais pas, passe la main. Je passe ma main. Déjà, fille, c'était Hafja. Madrasati, ism majrur bil harf. Madrasati, alamat jarri, al-kasra dahira ala ahlihi. Ensuite, c'était quoi? Donc, madrasati, mabni. Al-thanawiyati, na'at. Na'at, thanawiyya. Tam? Al-na'at, majrur kadali, yana yitba'a al-madrasa. On va pas dire. Parce que thanawiyya, la femme, je m'en rappelle. Al-Qurtubi. Al-Qurtuba. Al-Qurtuba. Al-Qurtuba, na'at. J'aurais dit bedel. Bedel. Parce que tu peux dire, antum fil Qurtuba. C'est ça que je me suis demandé. Je me suis dit, Qurtuba, comme c'est un lieu, je me suis dit. Quel lieu? C'est pas un lieu. C'est Cordoba. C'est les noms de l'école. Non, le nom de l'école. On a dit le asl du mot, c'est moi, je croyais que c'était le. Que c'était là, le sens de la phrase, c'est quoi? Antum fil madrasa thanawiya al-Qurtuba, et êtes-vous au lycée Qurtuba? C'est comme si tu dis, est-ce que vous êtes de Sanaa par exemple? Non, c'est pas de Sanaa. Est-ce que vous êtes dans le lycée Qurtuba? Donc ça, Qurtuba, c'est un bedel, puisqu'il peut remplacer tout ce qu'il y a al-madrasa al-thanawiyya. Ah, je commence à comprendre la peine. Oui, c'était quoi après? Après, c'était du vocabulaire, traduire les phrases du français en arabe. Ouais, vas-y. C'était quoi? Première phrase. Hein? Donc, cette maison. Et celle du commerçant, comment tu dis? Adihi Beytu Talib. Adihi? Attends, non, c'est ça. Beytu Tajiri. Adihi? Beytu Talib. Qui est Adihi? Non, c'est féminin. C'est Hada. Hada. Beytu, Beytu. Vous avez pensé à la maison en français, je suis sûr. Voilà. Ouais, c'est ça. Hada Beytu Tajiri. Hada Beytu Tajiri. Tu peux faire contre. Tu peux dire? Hada al Beytu li Tajiri. Tu peux faire soit ça ou soit ça. Toi, tu as dit mine. C'est pas mine, c'est lit. Lit, l'appartenance. La pomme est délicieuse, c'est un fruit délicieux. At-tufahu fakihatu. At-tufahu fakihatu lazidatun. Toi, tu as marqué fakihatu. T'as même. L'anglais est une langue difficile. Alors, vas-y. L'anglais est une langue difficile. C'est à moi. الإنكليزي. الإنكليزية. الإنكليزية. لغة. لغة. إنكليزية تاتي. لغة. لغة تبي. لغة. لغة صعبة. صعبة. يناش. صعب. نعت. نعت. نعت. أجمي لغة. سأسكت كمان لغة. لغة. كم تسمعون؟ محمود. est un élève paresseux. محمود. À qui appartient ce beau stylo qui est sur le bureau? L'imène hada le qalamu al jamilu al ladhi fawqa al ladhi ala al maktab. Tam, comment tu dis nouveau? Jadid. Si j'oublie. Comment tu dis nouveau? Hein? Jadid. Il fallait parler avec. Hein? Judoud. Judoud. Judoud. Il n'y a pas de maître. Comment tu dis riche? C'est quoi là? À la fin? Arnia ou. T'es sûr? Oh, attends. Oui, Arnia ou. Arnia ou. Riche, Raniyun. Son plural, Arnia. Pauvre. Fakir. T'es sûr? Kabir ou comment? Kabir. Comment tu dis les grands savants? Kibar. Kibar, kabirun, kibar. Mujtahidun, pluriel. Mujtahidun. Médecin. Tabibun. Tabibun. Tabibun. Ventilateur. Mirwaha. Mirwahatun. Mirwahatun. Mirwahatun, c'est quoi? Un ventilateur. C'est tout le monde. Ministre. Ministre. Wazir. Wazir. Le pluriel. Aouza. Le pluriel de ministre. C'est quoi alors? Hein? Le pluriel de ministre. Le pluriel de ministre. Ministre. Ministre. Aouza. Non. Toi aussi, Kata, n'est-ce pas? Ouzara. Ouzara. Ou. Ouzara. Ouzara. Eh, Wazir, c'est écrit comment? Wazir. Wazir. Petit. Savir. Eh, Ouzara. Sirar. Kata? Ouais. Tu sais que j'avais un doute parce que à la base je croyais que c'était faux, Sirar et Kibar. Aston, c'est pas petit, c'est. Kassir et. Ouais. Hein? Camarade de classe? Petit. Zamilun? Petit d'abord. Ouais, on a dit Sarir, Sirar. Sarir, Sirar. Ou peut-être il y en a celui qui a marqué Kassir ou Kassar, Lavas. Hein? Kassir ou Kassar, Lavas. Zumala? Zumala? Zumala ou Zumala? Zumala ou? Zumala. Un. Ou. Zumala ou. Zamilun. Zumala. Vélo. Le pluriel. Darraja. Pluriel. Darrajatun. Son pluriel. Darrajat. Un conseiller. Mouadjeh. Comment tu dis un cahier? Daftar. Un cahier, tu as marqué. Daftar. Daftar. Pluriel. Defa. Tir. Paysan, pluriel. C'est un paysan. Toi, t'as écrit le paysan. Ouais, je t'ai dit, j'ai. Fellahoun. J'aime ça. Al-Fata, l'adolescent. Pluriel. Fataya. Fit, yatun. Fit, ya. Innahum fit, yatun. Amanum bi rabbihi masidanahum. Huda. Fit. Fit, ya. Fit, yatun. L'adolescente. Fatayat. Ça, c'est faux. Fatah, c'est l'adolescente Fatah, les adolescentes ou des adolescentes, Fatayat, Haklon, Kurel, Hukul. Quelle est la particularité sinon? Ils ont une déclinaison particulière. Ah, t'as vachement répondu. C'est vrai? C'est quoi cette idée? Je vais être obligé de te dire après, c'est quoi la déclinaison particulière? C'est pas la réponse. Il y a une réponse, c'est quoi? Yujar bil waw. Dès qu'il va te parler. Là, yujar bil ya. Là, je vais t'obliger de rendre mon nom. Yarfa bil waw. De quoi? Yarfa bil waw. Yansad bil alif. Non, mais ça, on n'a pas vu. On voit les choses qu'on a vues. Yarfa bil waw. Aslahakallah. Donc, yarfa bil waw. C'est-à-dire que lorsqu'il va être cette question-là. C'est les asma septa, lorsqu'ils vont être mondaf, tu vas être obligé de mettre un waw. Ahouka. À la place, c'est quoi Ahoun? Il est venu le waw. D'où il est venu le waw? De Ahouka. On a dit. T'as parce que c'est, il fait partie des sinons. Ouais. Toi, tu les apprends, bah, c'est Ahoun. Ah ouais, c'était quoi? Et on avait quoi? Ab. Attends, les deux pour l'instant. Moment 4. Abdou. Zou. Tahamou. Tafou. Tazou. Fou. Fou. Femme. Fouk. Ah ouais, Fouka. Et après, le sixième, c'est quoi? C'est quoi? Toi, tu vas me dire que tu fais Tam de Médine. Aboun, hein? Wa Akhoun, Wa Ham, oui, Wa Fem, Wa Zou, Wa Han. Han. Han. Ouais. C'est quoi Han? C'est un truc, pas bien. C'est le farge. C'est le farge. Ça y est. Ça. Il reste combien de temps? Allez, on peut faire. On prend un exercice. Si ouais. Donc, leçon numéro 17. Dans le vocabulaire. De la leçon 17. Ad-Darsou, As-Sabi'a Rachar. Vous êtes tous dessus? C'est quoi Fondok? Fondok, c'est le. C'est quoi son pluriel? Hein? C'est quoi le pluriel de Fondok? Fanadiq. Fanadiq. Fanadiqun, Fanadiqun. Hein? Fanadiqou. Pourquoi? Fanadiqou. Parce que. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Ça sonne bien. C'est Fanadiqou, parce qu'il a un lawaz de Mufarin. Parce qu'il a un lawaz de Mufarin. Qala. Abwab al masjidi maftouhatun. Les portes de la mosquée sont ouvertes. C'est ça, là, comme ça? Ouais. C'est avec des 1, 2, 3, tout ça? Ouais. On dirait un exercice. قال لمن هذه البيوت الجديدة. البيوت, نعم, البيوت الجديدة. الجديدة. هي لمدير الشركة. شركة, c'est entreprise. La société. Société, entreprise. Donc, à qui appartient ces belles maisons? Elles appartiennent au directeur de la société. قال النجوم جميلة. Les étoiles sont belles. هذه الدروس سهلة. Ces exercices sont. Pourquoi elle a dit Hadihi Durus ou elle n'a pas dit Haoulet Durus? Parce que c'est un féminin. Qu'est-ce qui est féminin? Durus. C'est un pluriel غير عاقل. هذه دروس هذه الدروس سهلة في الهند لغة كثيرة أين الكتب الجديدة قال هي في المكتبة où sont les nouveaux livres ils sont sur le bureau la maktaba c'est quoi le farb بين comment tu dis le bureau et comment tu dis la librairie maktabun bureau maktabun non c'est pas le bureau maktabun c'est pas le bureau مكتب المكتب طب سده مكتب بن تدري واو سجلت لك لا طب سده المكتب بن تمام مكتب بن مكتب بن سي ليبراري والمكتبة سي لا بيرو نو سي كونتر لا المكتب سي لو بيبليوتيك يعني البيرو والمكتبة سي كوا سي اسم المكتب طب قال تلك السرور مكسورة صدقوا Non. Voici le lit cassé. Ces lits sont cassés. Ces lits sont cassés. As-sa'atu al-yabaniya rakhisa. La montre qui est les montres du Japon. Les montres du Japon sont pas chères. Qala hadhihi al-humur. C'est quoi le humur? Il dit hamir. Le hamir, quel hamir? C'est le hamir. Lil-fallah. C'est les khawarij. Tamam, hadhihi al-humur. Lil-fallah. Donc ces ânes appartiennent aux paysans. قال أين كتبكن يا أخوات هي في الفصل où sont vos livres يا أخوات هي في الفصل elles sont dans la classe قال هذه كتبي وتلك كتب أختي ceci sont mes livres et cela sont les livres de ma sœur قال هذه مكاتب الطالب c'est le bureau des élèves Donc, makatib, c'est le pluriel de quoi oui. Maktab. De maktab. Makatib. Il est mamnou' min as-sarf. Il ne prend pas de tanwin. Pourquoi? Parce qu'il est sous le wazn. Mafa'il. Il est sous la même forme. Qala hadhihi shari'u. Ou fi. Hadha shari'u. Fanadiqu kathiratun. Donc, dans cette rue, il y a beaucoup d'hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels. Fanadiqu kathiratun. Pourquoi elle n'a pas dit Fanadiqun kathiratun. Ou pourquoi elle n'a pas dit Fanadiqu كثي رتو كبيرتنا بس كي على وزن مفاتح تمام et pourquoi elle a pas dit كثي parce que c'est quoi l'arab de كبيرتن c'est quoi l'arab de كبيرتن c'est نعت le نعت il suit le منعوت comme il est là il a quoi فنادق avec une dhamma et هنا كبيرتن avec une dhammatin il a une dhamma parce qu'il est nakir il est nakir il est nakir بالضمة على وزن المفاتيح يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل فنادق on a pas dit al fanadiq fanadiq même si il prend pas de damma dammatin je veux dire il prend pas de dammatin parce qu'il a une raison pour cela c'est quoi c'est parce qu'il est ممنوع من الصرف على وزن المفاعل تمام tu m'as compris فنادق كبيرة فنادق il prend pas de damma pourquoi parce que c'est comme fu'ala c'est comme af'ila c'est comme Mais comment tu sais ça ce T'apprends le wazn. Attends, mais le wazn ne correspond pas. Il n'y a pas de la, l'alif. Mafa'il. Mafa'il. Fanadiq. Mafa'il. Fanadiq. Mafa'il. C'est quoi le but de ce... De ce de Franchement, je ne vois pas. Je dis ce qu'ici, je... Peut-être dans les exercices. Qala hadha al-maktabu maksouran. Ce bureau... Regarde, ça c'est une leçon... Et une révision de la leçon précédente. Ouais, je vois, parce que là, il y a rien. J'ai pas vu de truc nouveau. Donc c'est bien, on va alors, ça veut dire qu'on va vite avancer. Donc on va faire l'exercice à l'oral vite fait. Quand il dit Ajib al-As'ilatil Atiya, ça vous allez faire chez vous. Ça veut dire quoi ça ? Je réponds aux questions suivantes. Je réponds aux questions suivantes. Donc il faut répondre aux questions en les écrivant sur vos petits cahiers. C'est chaud. Tamam ? Le deuxième exercice, qu'est-ce que vous faites chez vous ? Hawil al-Mubtada'a fi kulli min al-Jumani al-Atiya ila Jam'a. Il dit, les phrases là, il faut les mettre au pluriel. Ouais. En gros, le mubtada, il faut que tu le mettes au pluriel. Comme l'avait dans le mithal. Il a dit, Al-babu maftouhun. La porte est ouverte. En pluriel, ça donne quoi? Al-abwabu maftouhatun. Pourquoi maftouhatun? Parce que c'est un nakir. Non, c'est un ghayr aqil. Et tout ce qui s'accorde avec le raquel, tu fais comme tu disais, féminin, singulier. Donc ça, c'est l'exercice numéro 2. Donc là, c'est long. Le numéro 3, on va le faire ensemble. Là, le numéro 3, il dit ضعف الأماكن الخالية في ما يلي أخبار مناسبا مناسبة مناسبة. Il dit dans les espaces vacants, il faut mettre un khabar qui est approprié au mubtada. Il dit البيت. Vas-y, تفضل. البيت. Tu mets ce que tu veux comme khabar. البيت. البيت جميل. البيت جميل. تمام. À toi, Yamin. البابو أو النجوم. النجوم. Mais n'importe quel khabar. C'est quoi النجوم? Les étoiles. C'est le purée de Najm. Les étoiles. Najm. Ah, bah, vous mettez tous le khabar, Yamin. Toi. النجوم. Je vais leur mettre les étoiles. À son nom. بعيد. بعيد. Qui est d'accord avec lui? Lève la main. Non. Ah ouais, qui n'est pas d'accord avec lui? Lève la main. Qui est neutre? Lève les deux mains. Il est franchement. Si, justement, je suis pas d'accord avec lui. Qui n'est pas d'accord avec lui? Moi, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord aussi, ouais. Pourquoi? Parce que ça, Jam'a Ah, il n'est pas Aqil. Il n'a pas de raison. Il prend le féminin. Donc, lorsqu'il va s'accorder, le khabar, il va faire. Tu vas faire comme s'il était singulier, féminin. Oui. Donc tu diras Al Nujum Bari Baïdatum Dah Baïdatum avec une marbota Baïda. Fais comme tu as c'était féminin singulier. Al Bab Al Bab Il y a deux Jamil, il y a deux Baïd. Al Babou. Ouais, c'est bon. Al Bab Al Babou Maftouha. Maftouha, la porte ouverte. Al Qalamou. Al Qalamou Maksouroun. Ah, le stylo est cassé. Il est tout le temps cassé, ce stylo. Al Bouyout. C'est le seul truc, il est pété dans un truc. Al Bouyout. C'est pour ça qu'on ne fait pas nos devoirs. Baïdatoum. Baïdatoum. Baïdatoum. Hein? Baïdatoum. T'as dit Al Bouyout ou Baïdatoum, ça m'a dit Baïdoum. C'est quoi? C'est Baïdatoum? C'est féminin. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Quand c'est le pluriel. Le pluriel, c'est quoi? Le pluriel, c'est devient féminin. Tous les pluriels. Des raïdés. Tous les pluriels. Voilà. Al Abouabou. البوابو مفتوحة. مفتوحة. تمام. السيارة مفتوحة. ها؟ والمنديل بعيد. الروضة. السيارة. السيارة. Comment tu dis elle est sale? Sayyaratu. Comment tu dis elle est sale? Aussi. C'est même tu dis non? Te dire le mindi est dans ma poche. Le mindi fi jib jib. Comment tu dis? Jibi. Jibi. Jibi. Jibi. Jibi. Jibi. Jibi. Jibi. Jibi. Jibi. Jibi. لا الخاص لا رخي صوتون رخي صوتون رخي تو نقول تو قلت رخي صوتون هذه الطلاب الطلاب مجتهدون الطلاب مجتهدون نعم القمصان تكون القمصان القمصان عندهم سبا جمع قميص بالقميص قميص قمصان قمصان القمصان واش القمصان جديد جديد يدي هات الجمع نعم هات الجمع الكلمات الآتية دون le pluriel des mots qui suivent باب أبواب بيت بيوت نجم نجوم قلم قلم حمار حمار حمر حمر حمر أيوة سرير سرور نهر C'est quoi ça, un nahar? Un nahar. Ah, c'est un nahar. Fleuve. Hein? Rivière fleuve. Sayara. Sayara. Sayarat. Sayarat. En tout cas, le pluriel, c'est, le, pluriel, c'est le plus dur. Pas le plus dur, mais c'est parce qu'il faut les apprendre parfait. Un kelp. Kilab. Kilab. Ta'ira. Ta'iratun. Darsun. دروسون بحر أبحر درجات دراجة بل ما قيد دراجة حقل حقا حقول شو قال دعني جبال جبل جبال بس Donc après dit al kalimat al jadida al sharikat al sharikat en fait ils sont trompés ils ont marqué sharikat c'est vrai al kalimat al 18 al sharikat ça va c'est une société mudir al sharika PDG rakhisun c'est kamis il a mis chatta ici c'est quoi c'est kamisun et kamis comme ça مع تحية دماج افاف.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين